Vous suivez les projets de Papa Cassette et désirez m'encourager dans le développement de ma plateforme? Devenez Patreon. Patreon.com/papacassette. Bienvenue chez Papa Cassette, épisode 43. J'espère que vous allez très bien. Moi, ça va bien. Écoute, nouvel épisode cette semaine. J'ai bien continué ma collection Super NES la semaine dernière, donc ça l'achève. Je pense être capable de finir dans le prochain épisode, peut-être. Donc cette semaine, épisode plus traditionnel, où est-ce que je vais parler d'un peu n'importe quoi. J'ai un beau line-up ici, là, et puis j'ai un beau café ici, là. Et puis, c'est bizarre, on dirait qu'il y a il y a une certaine latence, hein? Ça se peut-tu, ça, quand vous regardez les vidéos, l'audio? En tout cas, j'essaie de setuper ça, parce qu'avant, j'enregistrais avec mon téléphone, et puis là, j'enregistre directement dans mon ordinateur avec OBS, et puis, ouais, ça semble poser problème, mais j'arrive pas à ajuster le setting. Je trouve pas le setting qu'il faut qui empêcherait ça. Alors, c'est malheureux, mais c'est la vie. En tout cas, l'important, c'est que ça roule et puis que je sois là. Alors, on va commencer les nouvelles avec... je vais parler de Rétro Nouveau. En fait, on est aujourd'hui mercredi le 3 juin. Et puis, c'est quand même pratique que je sois là. Vous le voyez pas, mais la caméra est sur le top de mon ordinateur. Donc, c'est pas la caméra de l'ordinateur, c'est une autre webcam. Et puis, ainsi, j'ai accès à mon ordinateur si j'ai besoin d'informations. Donc, c'est utile que je le fasse de même pour moi. Prochain épisode aussi, là, j'ai pas eu le temps, mais je vais mettre un peu d'habillage, là, tout le tour, quelque chose, là, parce que un matin, je suis rushé. Mon plus jeune a une rencontre Teams avec sa classe dans une heure et demie. Donc, ça me laisse moins d'une heure et demie pour faire le show, ce qui devrait être suffisant. Donc, je vais retravailler ça un peu, c'est ça que je voulais dire. Puis, bon, c'est ça, hier, c'était mardi, puis on était supposé enregistrer un nouvel épisode de Rétro Nouveau. Et puis, on a conclu, moi, Fred et... et Bruno. Moi, Fred et Bruno, qu'on allait prendre une pause de Rétro Nouveau, parce que depuis le début de la pandémie, on fait ça via Discord. Au début, premier épisode qu'on a fait à distance, on a essayé une autre affaire, puis ça marchait plus ou moins. Fait que Discord fonctionne très bien, mais c'est pas pareil. C'est comme, comme quelqu'un parle pendant 20 minutes, après ça l'autre il parle pendant 20 minutes, après ça l'autre il parle pendant 20 minutes, puis il y a plus, on peut plus faire de joke, on peut plus se relancer, on veut pas vraiment se couper la parole, moi personnellement je déteste faire des affaires de même à distance. Quand c'est pour produire quelque chose, tu sais, bon, que je parle à du monde, il n'y a pas de problème, là, comme un téléphone, mais comme faire un show, je trouve ça horrible, vraiment, là. C'est vraiment pas le fun à faire aussi, en passant, là, de juste comme checker de même, puis attendre que ça soit ton tour, tu sais. Puis, ouais, c'est pas... moi, je trouve que le produit, c'est l'ombre de ce que ça devait être, et puis c'est vraiment pas plaisant. J'aime pas ça, tu sais, puis je suis sûr que genre 95% des auditeurs de Rétro Nouveau diront « Ah, oh, mais c'est pas... » vont nous dire, ou pensent, c'est pas grave, tu sais, vous êtes là, puis on vous écoute, c'est bien le fun pareil, puis je suis quand même d'accord, tu sais, vaut mieux ça que rien pantoute, mais c'est quand même épuisant faire ça, même si on le fait aux deux semaines, et puis moi, personnellement, j'avais comme plus la tête à le faire, là, du moins de cette façon-là. T'sais. C'est pas comme se retrouver les chummés ensemble. Puis là, on le fait. Yeah, Doritos, bière, alright, bye. T'sais, ça, c'est plaisant. Il y a une vibe, il y a de quoi qui se passe. Mais le Discord du mardi soir, dans le fond du sous-sol, tout le monde avec nos bugs de micro, puis nos affaires, puis il n'y a pas de footage, il n'y a rien. C'est lourd, là, c'est lourd à faire. Fait que je pense que c'est un peu moi là, qui a poussé la note là-dessus. Ben, les gars sont occupés aussi. Ben, Fred il réussit toujours à comme être prêt, tu sais, puis à préparer tout ça. Moi, ça me tentait pas de le faire. Ça me tentait vraiment plus de le faire de cette façon-là, pour être franc. Et puis, ben là, vous dites, ouais, mais là, tu le fais ton podcast. Ça, c'est pas pareil. C'est très simple pour moi de m'asseoir ici, de peser sur Enter un matin avec mon café, puis juste comme faire l'actualité de ma vie de gaming. Et puis ça, c'est rien, ça. T'sais. Puis je monte mes affaires, je m'occupe de mes affaires. Là, synchroniser ça avec d'autres gars, puis tout, c'est pas pareil. T'sais. Et puis Bruno, il est pas mal occupé aussi quand même. Là. Il travaille tout le temps. Donc, il faut... C'est comme, ah ouais, le show mardi, on arrive mardi midi, hey, il y a le show à soir, c'est comme, hein? Ah, boy, c'est vrai, on a oublié. Comme tout le monde est comme pas là, là, en même temps. Là. Donc, je pense que c'est mieux qu'on mette ça sur pause, même si ça représentait pas tant une grosse masse de travail, c'est comme, c'était, ça passait pas en premier présentement, et puis c'est trop, c'est ça, il y avait pas de fluidité, tu sais, il y avait pas de. Il y avait pas de joie tant que ça, là, à aller faire ça. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de joie présentement, tout court. Hein? En fait, c'est assez désagréable, la vie présentement. Fait que c'est ça. Puis, moi, personnellement aussi, vous avez remarqué que je stream peut-être un peu moins là, ces temps-ci. Puis, je suis moins tant que ça actif. Je suis actif sur Facebook. Ça, j'aime ça. Je trouve ça simple. T'sais. Mais je stream pas mal moins. Et puis, là, j'ai comme un petit down là, ces temps-ci. Puis... Tu sais, quand je game, on dirait que ça me tente pas de parler à du monde. C'est drôle parce que j'ai besoin de parler à du monde parce que je suis isolé, mais en même temps, ça fait comme l'inverse. On dirait que là, j'ai comme plus envie de parler à du monde tant que ça. Tu sais, je suis même tanné d'être à la maison. Même la famille ici, on est tout le temps ensemble et tout. Puis j'ai comme besoin d'être isolé dans la maison, tu sais. Puis... c'est quand même dur là, avec les enfants aussi, on est tout le temps ensemble, tout le temps. C'est tout le temps comme un buzz, là, tu sais. Je trouve ça dur de pas avoir un moment tranquille où est-ce qu'il y a du silence, puis que je peux focusser sur mes affaires. Là, j'ai eu un petit temps d'arrêt, j'ai écouté le silence. Ça, c'est plaisant. Fait que, ouais, ces temps-ci, je trouve ça dur, la vie, un peu. Ben, la vie est pas dure, là. T'sais, c'est pas la troisième guerre mondiale. Là. Mais je suis chez nous, je game, je mange, puis y a rien là. C'est pas dur là, la vie. Là, mais quand tu fais ton travail, puis soudainement, on t'enlève ça d'un coup, puis il faut que tu. Faut que tu gères tes affaires, puis t'es à ta maison tout le temps. Tu passes de deux points différents très rapidement, puis là, ça fait. Ça fait trois mois là, de ça, là. Man. Là, mon plus vieux, il va plus au camp de jour, il est trop vieux, mais mon plus jeune, il est inscrit au camp de jour. Puis là, on se demandait s'il allait y aller ou non. Puis on va l'envoyer. Moi, ça, je pense que ça va me faire du bien. Puis je pense que ça va lui faire du bien, vraiment, de voir du monde. Et puis, ils vont jouer dehors, ça va être dynamique. Son grand frère va pouvoir aller le porter... et le chercher, ou du moins un des deux voyages. Et puis, ça va faire de l'activité à tout le monde, ça va faire changement. Donc, en juillet, ouais, ça va changer un peu la dynamique ici. Ça va faire du bien, ça. Mais en tout cas, au moins, il fait beau. Ben pas cette semaine. Il va sûrement neiger demain. Hein, mais canicule, neige, tu sais, comme c'est ça le Québec. Mais bon, au moins, c'est l'été, puis on peut bouger un peu dehors. Hein. C'est fou comment ça passe. On dirait qu'il c'était hier là, que ça... Le premier ministre disait qu'il allait mettre sur pause le Québec pendant trois semaines, puis là, comme on roule là-dedans le COVID depuis des mois, puis c'est rendu comme quasiment banal. Ah, mais. Mais ouais, je parle de ça aussi parce que j'ai un contrat qui est rentré présentement et puis qu'il faut que je fasse. Fait que ça aussi, ça me bouffe du temps. Même que ce matin, au lieu de faire mon podcast, je devrais techniquement travailler là-dessus. Mais j'ai quand même fait un bon chunk hier puis je vais continuer en fin de journée. Donc ce matin, je voulais vraiment enregistrer un podcast quand même là. Et puis, mais je peux pas vous dire c'est quoi, par exemple, mais je vais pouvoir éventuellement, quand on va me donner le go. Mais c'est quelque chose de très excitant pour moi de travailler dessus. Je dirais même que c'est rêve de petit gars level, là, tu sais. Donc, je suis vraiment content de faire ce projet-là. Et puis, c'est bien excitant. Et puis, ouais, c'est quelque chose. Puis, j'ai hâte de vous en parler. Je peux pas bientôt. Je vais vous en parler cet été, je pense. Mais, sous toute réserve. Mais en tout cas, présentement, j'ai un contrat à faire. Et puis, je veux vraiment me donner à fond pour faire une belle job. Là, c'est important pour moi, ce contrat-là. Et puis, il y a juste le matin que je peux le faire. Et puis le soir, tu sais, fin de journée. Mais comme j'ai déjà dit, tu sais, moi, comme être productif après souper, genre oublie ça, là. C'est fini, là, à moins de faire des gogos, là. Mais je suis capable de pogner la zone là, 4h, 5h, puis être avoir un boost d'énergie là, puis de créativité, ça marche le matin comme là, quand on me laisse tranquille, ça va aussi. Fait que c'est ces moments-là. Mais je travaille quand même efficacement et rapidement. Donc, le premier délai est pour dans 2 semaines environ. Puis, je suis déjà pas mal avancé, donc je suis content. Bref, ça, c'est une autre affaire qui prend du temps. Une autre affaire qui prend du temps aussi, bien sûr, c'est Rétro Montréal, la boutique, le lancement. J'ai même pas reparlé de l'ouverture, je pense. Ben non. Donc, ben, tu sais, comme j'en ai parlé sur ma page Facebook, mais ouais, on a eu notre premier anniversaire, puis ça a donné vraiment de même. Là, le 25 mai, c'était 2019, c'était l'ouverture du magasin physique. Puis le 25 mai 2020, c'est la réouverture après COVID, là, tu sais. Ben, pas après COVID, là, mais que les magasins pouvaient ouvrir, là. Puis, ça s'est bien passé. Joe a travaillé fort. Avec Phil, ils ont mis les plexiglas, le Purel, le tape à terre, tout le kit. Fanny, la blonde à Fred du podcast La vie secrète des geekettes, ils ont tous fait des beaux masques de jeux vidéo. On avait déjà des masques, là on a des thématiques pour le magasin, donc c'est magnifique. Puis on est bien ready, là. Le magasin il roule, puis le monde y vient, ils respectent les consignes et tout, ça se passe super bien. Donc on est très très très contents. Donc, les ventes en ligne continuent. Par contre, on a eu un bug important, puis j'avais envie d'en parler un peu. Il y a 2-3 semaines environ, ben nous, d'abord, sachez que le facteur passe au magasin ramasser les colis le lundi, le mercredi et le vendredi. Donc, le lundi, vous devinerez qu'il y en a vraiment beaucoup parce que ça accumule toute la fin de semaine. Tu sais, la fin de semaine, il y a des ventes en ligne. Il y a des ventes en ligne tout le temps, là. Il y en a présentement pendant que je vous parle. Et puis, c'est ça. Donc, on fait le lundi, il y a une grosse pile. Puis, il y en a encore bien plus présentement à cause de la vie qu'on vit. Et puis, donc, les gens achètent beaucoup, beaucoup en ligne. Donc, il y a quelques semaines, on avait une quantité énorme de colis que le facteur devait ramasser. Puis, à chaque fois qu'il vient ramasser les colis, il les scanne un par un, tu sais. Pour enregistrer le colis puis qu'il y ait un tracking, dans le fond. Puis ce lundi-là, il ne l'a pas fait. Il est pogné le colis, puis il est parti avec. On n'a pas trop suivi ça. Et puis, comme il a juste comme dompé ça dans le truck, et puis on n'a plus entendu parler des colis, tu sais. Mais là, présentement, ce qui se passe chez Post Canada, c'est qu'il y a des retards énormes, énormes, de plusieurs semaines. Puis vous avez vu probablement des nouvelles par rapport à ça, ou bien la presse et tout. Fait que là, ce qui se passe, c'est que les clients nous écrivent, nous, pour nous dire « j'ai pas mon jeu ». Là, on dit « je sais, je suis désolé, mais ça s'en vient, t'sais. C'est sûr que ça s'en vient ». Mais là, on n'a pas de tracking à leur donner, parce que cette journée-là, le facteur n'a pas fait de tracking, tu sais. Donc là, là, on a un problème, tu sais, parce qu'il faut qu'on dise aux clients ça s'en vient, mais le client dit OK, mais là, j'ai même pas de tracking pour savoir, tu sais, parce qu'avec le tracking, tu vois au moins que ton colis il est pogné chez Post Canada à l'entrepôt, puis t'attends, tu sais. Mais là, on n'a même pas cette information-là. Donc, les gens sont comme, ben là, je me suis fait voler, le colis est volé, c'est sûr, blablabla. Fait que ça nous donne un esti de paquet de gestion de clients. Ou est-ce que nous, on a fait aussi un back and forth avec Post Canada, puis on a été assez intense pour avoir comme un texte officiel qu'on peut donner à nos clients, parce que là, le problème, c'est que les gens réclament d'être remboursés, et puis là, on les rembourse, puis ils vont recevoir leur colis. Après ça, Post Canada voudront pas nous rembourser ça, parce qu'ils disent, bon, on l'a livré, le colis, fait que là, encore une fois, l'entreprise, elle est poignée entre les deux, tu sais, c'est ça le problème. Fait que là, on essaye juste de dire aux gens, je vais quitter une couple d'applications sur mon ordinateur qui pop mille affaires, tiens. Donc, fait que c'est ça, à cause de cette batch-là, on est coincé, là. Puis là-dedans, il y a des affaires de eBay, puis eBay, c'est du monde plus loin, eux autres sont comme, je veux me faire rembourser immédiatement, tu sais, c'est comme, hey, calme-toi. Non, c'est comme, OK, Chris. Fait qu'on fait ça. Donc, présentement, on essuie des pertes de cette connerie-là de Post Canada. Ben, À 95%, les clients sont très compréhensifs. On a aussi donné un code crédit à ces clients-là en nous excusant. Puis, tu sais, le problème là-dedans, nous, on n'est pas obligé de rembourser le monde, là. Mais on veut pas comme salir notre nom puis avoir de l'air de des trous de cul, là, tu sais. Mais c'est parce qu'on sait que vous allez avoir vos colis. Tu sais, il y en a pour plusieurs milliers de dollars de colis là-dedans, là, qui sont perdus, là, mais qui vont être livrés un moment donné, mais on n'a pas de tracking pour savoir sont où exactement. Donc, c'est ça le problème. Mais la plupart du monde sont quand même bien chill, puis ils comprennent, ils ne sont pas stressés avec ça. Il y en a quelques-uns, fait qu'on essaie de calmer le jeu, puis on va voir. Fait que là, voyez-vous ça, là, des affaires de même, c'est... Nous autres, au lieu d'être comme juste en train de travailler, puis faire notre truc, tu sais, on gère de la marde tout le temps. Il y a tout le temps de la marde à gérer. C'est compliqué, ça. C'est compliqué, cette pandémie. Puis Post Canada, présentement, c'est comme s'ils ont plus de colis qu'à Noël. Et ça, depuis des semaines, c'est non-stop. Et puis, ils sont à effectifs très, très, très réduits. Parce que c'est tout du monde sur appel, là-bas, qui préfère rester assis chez eux plutôt que de travailler puis encaisser la PCU. Donc, c'est ça le problème, là. Puis là, d'après un article que j'ai lu, Post Canada, le syndicat de Post Canada dit que Post Canada ne veut pas engager du monde en overtime pour comme processer ça, parce que la compagnie va mal déjà financièrement. Comment est-ce que Post Canada peut mal aller financièrement? Qui c'est qui gère ça? C'est le pays, voyons donc. On pitche notre argent à ce monde-là sans arrêt. C'est déjà que le service de marde et que ça coûte super cher. Post Canada, c'est cher, là. C'est vraiment pas un bon service. Puis c'est très dispendieux, puis c'est long, puis c'est du gossage. Mais là, quand il arrive une affaire de même, c'est pire que pire. J'espère qu'il y a du monde qui va se faire taper ses doigts là-dedans, sérieux, parce que c'est de la marde. Et puis, faut qu'il se passe de quoi, là. Tu peux pas croire, là, tu sais. Trouve des solutions, là, engage du monde, là, imprimer de l'argent. Ça a l'air si facile d'imprimer de l'argent présentement. Donne l'argent à lui, donne l'argent à lui. Les postes, c'est assez un service essentiel, ça, me semble, pour tout le monde. Là. Je parle pas juste pour notre petite entreprise, là. Fait que grouillez-vous le cul, là, voyons donc. Ça n'a pas d'allure, ça. Moi, ça me renverse. Fait que on a beaucoup de casse-tête à gérer chez Retro Montréal par rapport à ça. Et puis, ben de toute façon, c'est même pas moi tant que ça qui gère ça parce que je suis chez nous avec les enfants. Et puis, même si je commence à faire des appels puis à me mettre les mains là-dedans, je serais pas disponible et tout. Fait que c'est Joe qui manage tout puis Fred à distance. Mais bon, je fais mon possible. J'essaye d'aller là pour me libérer de ma vie quotidienne de temps en temps. Moi, ça me rend heureux d'aller travailler. Je veux tellement aller travailler. Est-ce que j'aimerais ça aller travailler? Ben non. Fait que voilà, je suis ici. Mais Post Canada aussi, j'ai mon colis. Je vous avais parlé il y a plusieurs semaines d'une collection Game Boy que j'ai acheté à un dude de Floride. Donc j'ai acheté pour en dollars 2000 US de jeux de Game Boy. Là j'ai envoyé 2000 dollars US à ce gars-là, donc 2700 environ canadiens, je crois. Et puis j'ai donné tout ça à ce gars-là en voulant acheter sa collection de Game Boy. Donc là-dessus, il y a genre 300 jeux de Game Boy originaux. Là-dessus, je devrais pouvoir en garder 50 que je n'ai pas et puis faire des label upgrades. Puis il y a des jeux de Game Boy Color, des jeux de Game Boy Advance qui seront pour Retro Montréal aussi. Donc, man, je me peux plus de recevoir ce colis-là. Là, j'ai vu avec le tracking qui est jamais à Post Canada, justement. Je devrais le recevoir d'ici 2 semaines. Donc, ça aura pris... en tout et partout, un mois et quelques, je pense. Mais j'ai acheté ça legit avec PayPal, pas Friends and Family. Donc, j'ai demandé des photos au vendeur, du colis, de tout. Fait que j'ai toutes les preuves. Et puis, j'ai le tracking, j'ai tout. Puis hier, juste pour être sûr, j'ai quand même communiqué au gars pour lui dire « Ah, oh, by the way, je pense que le colis, il est pris. As-tu des nouvelles de ton bar? As-tu de quoi? » Je sais bien qu'il n'y a rien eu parce que le colis, il est en route. Puis il est jamais là-bas. Mais c'était juste pour voir s'il était encore vivant ou s'il allait genre me ghoster, genre, ou me bloquer sur Facebook. S'il avait fait ça, là, j'étais comme, oh shit, ok, là, je me suis fait fourrer, là, tu sais. Mais non, il m'a répondu, je suis comme, ah, ben non, je sais pas, veux-tu que j'appelle, tata, tata. Fait que, tu sais, j'étais en confiance quand même à ce niveau-là. Donc, mais ouais, d'envoyer presque 3000$ à un inconnu comme ça, c'est pas plaisant. Et puis, c'est pas juste ça. Moi, j'ai besoin de ces cassettes-là pour les revendre, pour me rembourser. Sur ces 3000$-là, mettons que j'en garde pour une valeur de 1000$, j'ai quand même 2000$ à me rembourser, moi, là, tu sais. Donc, J'ai besoin de repayer ça, là, les argents. Mais ça s'en vient, là. Vous avez vu d'ailleurs, j'en parlerai pas aujourd'hui dans mes acquisitions, mais le dévoilement de mon sac poubelle plein de jeux NES, ça c'est une autre affaire, donc j'ai fini de passer au travers de ça. Il va falloir que je revende les doublons et les loosses, mais j'étais vraiment, vraiment content. Et puis, très, très. Ça, c'est un achat impulsif, solide, là. Mais le prix était bon, sérieux. Il y avait pour une valeur de 3020 à peu près, dollars. Et puis, la personne m'a fait ça à 2700. Donc, tu sais, je veux dire. Puis là, ben, en plus, c'était de la valeur, ça. C'est pas de la valeur eBay boostée, high-end market price, là. C'était la valeur price charting, tu sais. Quiconque, nous-mêmes, n'importe quel magasin, aurait vendu ces systèmes-là plus cher que price charting. Fait que c'était prix price charting moins 320$ dans le fond. Puis il venait me le porter. Donc c'était un très bon prix, sérieux. Puis que j'ai pas hésité longtemps, disons. Donc vous irez voir sur ma page Facebook là, des grosses cassettes. C'est drôle parce que un coup que j'ai présenté mes jeux sur Facebook dans mon épisode ici, là, je les range dans mon armoire, tu sais, puis comme je les oublie quasiment. C'est quasiment triste, tu sais. T'achètes, mettons, un jeu à 100$, puis tu le rentres dans ta bibliothèque, tu y penses plus. C'est comme, ben, c'est le fun de ressortir ça. Fait que ces jeux-là, je les ai quand même laissés en display pour que je les vois à chaque fois que je descends au sous-sol. Donc, ça me rend heureux. C'est bien important de faire ça. Je fais pas assez ça, moi, regarder mes jeux. Ils sont classés, ils sont gérés. Mais sont pas checkés, je les check pas tant que ça, je prends pas le temps de faire ça. Je fais ça le matin, samedi matin avec mon café, je descends, je check mes jeux, j'aime bien ça. Le plaisir de la collection, hein, c'est ça aussi, c'est de regarder ces belles affaires. Donc voilà, prochaine nouvelle qui est quand même assez spéciale, ça c'est vraiment plus de l'actualité. C'était l'anniversaire de Sega, 60 ans. Donc, bonne fête. Bonne fête, Sega. Tout va très bien. Excusez, j'ai un petit message. Donc, oui, Sega a eu 60 ans. Puis, il y avait deux nouvelles importantes dont je voulais parler. Et puis, la première, c'est elle qui est plus... Non, les deux sont le fun. Mais il y en a une ici. Vous l'avez vu ce matin, probablement, comme moi, ou hier soir. Sega a annoncé une Game Gear Micro. Donc, la Genesis classique a eu beaucoup de succès. Chez Retro Montréal, on en a vendu beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'était de la qualité, les jeux dedans, tout, c'était super bon. Ben là, imagine-toi donc que Sega va faire la Game Gear Micro. Donc, c'est un petit... Il y a quatre appareils. Il va avoir quatre modèles de quatre couleurs différentes. Noir, bleu, rouge et jaune. Et puis, chacune de ces affaires-là mesure 8 cm par 4,3 cm et par 2 cm. Donc, c'est vraiment micro, là, tu sais. Moi, personnellement, je pense que ça sera pas jouable, cette affaire-là. Ça va être vraiment pas plaisant. Puis, aussi, ce n'est que disponible au Japon. Par contre, qui dit disponible au Japon, dit quand même disponible partout, là. On peut s'organiser pour trouver ça. Donc, et puis ça coûte ça 29 000 yens. Donc, voyons voir comment ça vaut ça en canadien. Yen, tout CAD. Oups, excusez. Donc, ça vaut 373 tomates, chers amis. Et puis, pensez plus shipping, plus ci, plus ça. Ça, c'est-tu le bundle de 4, ça? Four Color Set. Ok, oui, ça c'est le set pour les 4, ça. Fait que ça c'est bon. Là. Mais si t'en veux juste un, ça va être le corps du prix, là, j'imagine. Mais là, ce qui arrive avec ça, c'est que chacune de ces consoles-là ont 4 jeux différents sur chacune. Donc vous comprendrez que là, tout le monde, les gens qui sont intéressés par ça vont vouloir avoir les 4. Sur la console noire, il y a OutRun, Puyo Puyo Tsu, Royal Stone et Sonic. Sur la bleue, il y a Baku Baku Animal, Sekai Shikugakari Senshuken, Gunstar Heroes, Sonic and Tails, Sylvan Tail. Il y a des jeux qui sont juste sortis au Japon là-dessus aussi en passant. Sur la jaune, Nazo Puyo, Harley no Ru, Shining Force, Shining Force 2, Shining Force Final Conflict. Donc la jaune, c'est la RP, c'est la Shining Force. Et puis la rouge, Collins de Gigi Shinobi. Megami Tensei Gaiden Last Bible, Megami Tensei Gaiden Last Bible Special. Donc, pas de Streets of Rage, hein, pas de Ferdinand Social là-dessus, rien. Donc, c'est ça. Écoute, c'est joli. C'est cute, il se passe des affaires, c'est rétro, c'est le fun. Moi, j'achèterais pas ça, c'est pas jouable, c'est même trop petit. J'aimerais pas mal mieux avoir une vraie Game Gear modée que d'avoir ça, si je voulais jouer au Game Gear. Mais je veux pas tant jouer au Game Gear. Donc, voilà. C'est joli, allez voir les nouvelles de tout ça. Beau package, tout, Sega. Donc, je salue l'effort, malgré tout. Mais ça va sûrement s'en venir ici, là, éventuellement, au Canada, en Amérique. Puis, deuxième nouvelle de Sega. Ça, c'est intéressant, ça nous touche zéro ici encore une fois, mais je trouve ça intéressant, c'est que, là c'est drôle, il y a du monde qui pensait que ça allait être, j'ai pas vu ça, là, cette nouvelle-là, mais apparemment qu'il y a des gens qui pensaient que Microsoft allait acquérir Sega ou vice-versa, une ou l'autre, ça aurait été comme n'importe quoi, après, je pense, je serais surpris qu'une compagnie japonaise comme Sega se laisse absorber par un géant américain, là. Mais, ouais, c'est que la vraie nouvelle derrière ça, puis il y avait bien des déçus, mais moi je trouve ça nice d'un point de vue technologique, c'est qu'il va y avoir du fog gaming pour les arcades au Japon. Là, je suis pas familier avec le concept de fog gaming, qui est pas mal le même que le fog computing, mais de ce que je comprends, c'est que les machines vont être dedans l'Internet. Et puis, dans le fond, les bornes d'arcade, dans les arcades japonaises, ils vont servir de hub, tu sais, comme pour enregistrer tes scores et tout. Fait que tu vas dans n'importe quelle arcade au Japon, puis il y a, tu sais, tel jeu, il y a 8 cabinets dans cette arcade-là, 12 là-bas, tu sais, partout au Japon. Ben, quand tu fais un score, ça s'enregistre dans le cloud gaming. Et puis, ce qu'il y a d'encore plus beau de ça, c'est que je pense que tu vas pouvoir jouer de la maison à ces jeux-là comme si tu jouais à la machine d'arcade, dans le fond. Fait que tu n'as pas besoin d'aller à l'arcade, tu peux jouer de chez vous. Donc, tu peux aller jouer sur place, tu peux jouer à... Alors, c'est ça qu'il disait, la beauté de la chose, c'est que quand l'arcade est fermée, les gens peuvent continuer à la maison. Donc, c'est comme une arcade virtuelle dont les cabinets sont aussi disponibles dans les arcades, dans le fond. Donc, ça c'est beau, ça. Si j'ai bien saisi, là, ça ressemble à être ça, la nouvelle. Puis, je sais pas comment est-ce qu'ils vont faire ça. Vous aurez deviné que je suis pas un gars de technologie tant que ça. Hein. Mais, ça se peut. Moi, je trouve ça bien le fun. Et puis, j'aime qu'il y ait de l'amour porté aux arcades encore au Japon, ce qui est vraiment pas le cas ici, là, disons. Mais ça serait cool, imagines-tu un service d'arcade, en tout cas. Ben, ça va être les jeux de Sega, là, en fait, donc voilà. Mais la culture d'arcade est morte ici, là, c'est bien certain. Ou elle n'est pas aussi forte qu'au Japon, ça. Absolument. Mais ouais, belle nouvelle. C'est beau la technologie quand c'est employé de cette façon-là. Moi, ça me branche pas mal. Donc, vous irez voir ça. Très intéressant. C'est tout pour les nouvelles. C'est tout pour les nouvelles, en effet. Je vais parler de quelques jeux auxquels je joue, puis ensuite je vais finir avec mes petites acquisitions. Je joue présentement, vous avez vu ça sur ma page Facebook, ben, je vais commencer par parler de Mother Russia Blades. Ça, c'est un jeu extrêmement tordu, c'est un beat'em up, très pixel, sans tout pixel là, dans le look. J'ai pas la copie physique parce que elle n'existe pas encore, mais Limited Run vont en faire, ou c'est Special Reserve, ou en tout cas distribué par Limited Run. Cela s'en vient, et cela est bientôt précommandable. J'étais pas sûr si j'allais vouloir une copie physique, je le suis pas encore, parce que c'est ça, c'est un beat'em up, ça se passe en Russie, puis c'est comme le gouvernement fait affaire avec la PEG pour lancer une nouvelle drogue sur le monde, et puis c'est la domination du gouvernement sur les pauvres Russes, puis c'est de l'oppression, puis les humains, les pauvres de la société sont utilisés comme des cobayes, puis il y a des camps de drogue, puis tout. Puis toi, t'es comme juste un doute qui était là-dedans, puis qui se fait envoyer dans une prison, tu réussis à t'en sortir, puis là, tu veux juste comme tuer tout le monde, mais t'es hooked à cette drogue-là, puis cette drogue-là te permet d'être berserk, et puis te permet de te healer, c'est ça qui a de le fun dans le jeu, t'as comme un bouton pour une seringue, fait que tu peux te healer, ou genre te mettre berserk. Puis il y a un niveau, pas un niveau, mais il y a un battle arena dans le fond, où est-ce que tu bats du monde tout le temps, non-stop. Et puis, à un moment donné, quand tu réussis à passer 10 waves, me semble, tu peux unlocker une nouvelle drogue. Puis, il y a de l'air que tu peux utiliser dans le jeu. Et puis, il y a de l'air d'avoir une bonne dizaine de drogues différentes. Moi, j'ai pas pris le temps de faire ça. Je voulais comme juste finir le jeu, là, mais ça a l'air intéressant. J'ai joué seul, mais je pense qu'en co-op, ça doit être super trippant. Il y a 4 personnages, le dude balancé, la fille qui va vite, le gars qui va lentement, puis un autre espèce de cinglé qui est balancé, mais un petit peu plus fort, je trouve, Boris, je pense. Et puis, j'ai bien aimé ça. Mais ce qui m'a un peu déçu de ce jeu-là, c'est que c'est les moves, c'est très simple. Le portefeuille de mouvement est peu élaboré, disons. Et puis, il n'y a pas... Tu sais, t'as un grab, mais tu peux pas faire beaucoup de choses avec le grab. Tu peux pas mal juste lancer le gars. Ou, il y a une prise puis tout, mais ça aurait pu être beaucoup plus que ça. Tu peux envoyer les ennemis dans les airs avec un uppercut, puis là, une fois qu'ils retombent, ils tombent. Tu peux pas rien faire. Tu peux pas le repogner ou le puncher dans les airs puis qu'ils rebondissent dans les airs. Il me semble que ça, c'est rendu la base dans les beat'em up. Ils faisaient ça au Super NES, tu sais. Mais il y a pas ça là-dedans. Et puis, il y a un kick, mais le kick sert pas à kicker au... Tu sais, tu punches. Le puncher, ça, c'est la base. C'est l'ouverture. Tu ouvres avec des punches, puis tu peux comme enchaîner avec un kick pour faire un semblant de combo, mais il y a pas plus de combo que ça. Le kick sert juste comme à kicker out ou à stunner les ennemis, tu sais. Le kick n'est pas un move utilisable à répétition, mettons. Et puis, tu sais, comme c'est pas mal ça, en fait, that's it. Oui, il y a un punch à terre, c'est vrai, mais c'est trop impliquant, tu sais, il faut que tu embarques sur le gars, tu le punches. Puis là, pour le lâcher, j'ai pas réussi à trouver, parce qu'il y a d'autres mondes qui arrivent pour te fesser dessus. Faut que tu kicks, faut que tu fasses un move. En tout cas, man, c'est weird. Donc, c'est pas complet du tout au niveau des mouvements. Et puis, ça manquait de profondeur, là, beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est ça qui me fait un peu... qui m'attriste un peu dans le jeu-là. Parce que jouer en co-op et jouer de même, ça doit être... Tu t'en fous, là. Tu joues, tu fais le jeu, c'est parfait. Mais jouer tout seul puis essayer d'avoir du fun, ça devient répétitif. Tu fais tout le temps la même affaire, ça qui est un peu plate. Par contre, les niveaux sont magnifiques, le artwork, toute la vibe de jeu-là, man, c'est tordu, là, c'est sale, là, c'est punk, c'est trash, il y a du sang, ça se tape sa gueule, ça s'éclate. Tu sais, comme quand tu punks quelqu'un, tu le punches à terre, tu peux y éclater la tête. Tu sais, comme c'est violent. Il y a un niveau qui se passe dans un bar gay, BDSM, il y a du monde attaché partout, du monde qui se font tuer, découper, c'est comme... Puis tu sais, c'est là, c'est graphique, là, tu vois des pénis, là, bouncer, là, tu sais, c'est assez incroyable. Mais moi, je trouve ça cool, tu sais, c'est... Là, je me suis comme rendu compte que je pourrais pas jouer à ça avec mes enfants, comme je le disais sur Facebook, mais dommage, parce que ça aurait bien fait, là, au niveau du gameplay, du moins, mais c'est trop violent, trop de sexualité, trop d'affaires là-dedans, donc c'est vraiment pour un public mature. Mais, ouais, j'ai trouvé ça un peu décevant, ce niveau-là. Et puis, pour avoir la bonne fin, à la fin, il faut battre le boss de fin en n'utilisant pas de seringue pour se healer. Donc, souvenez-vous de ça si vous jouez. Puis moi, je l'ai acheté aussi. Il était genre une pièce là, sur le eShop. J'ai vu ça passer. Je l'ai acheté tout de suite. Sinon, ce jeu-là, je pense qu'il est un petit peu en bas de 20$. Même un petit peu en bas de 20$, c'est cool. Là, tu sais, il y a la longueur quand même. Tu sais, il y a du stock dans le jeu. Là. C'est pas de la merde. Là, tu sais, mais ouais, c'est somme toute un jeu beaucoup plus simple et beaucoup moins deep que je pensais. Une belle expérience malgré tout. Je vais voir comment ce qui coûte physique. J'haïrais pas avoir ça physique quand même dans la collection. Je pense que ça serait joli. Mais ouais, checkez ça. Et puis sinon, je joue à un petit jeu présentement. Ben, je teste un petit jeu qui s'appelle Missile Command Recharge. Recharge, ouais. Et puis Bruno avait parlé dans le dernier épisode de Rétro Nouveau de Pong Quest. Et puis moi, je suis comme, ouh, Atari VCS, ça se développe. Ouh, Atari, il lance un genre de RPG Brick Breaker, Pong Quest, tu sais, Dungeon Crawler. C'est comme, ouais, ils font de quoi avec ça? Malheureusement, Bruno, il dit que c'est plat. Puis là, j'ai vu Missile Command Recharge, j'ai comme, ah, il se passe de quoi chez Atari, tu sais? Et puis, je voulais essayer ça. Dans le fond, c'est un Missile Command classique, et puis que tu joues avec tes doigts. Et puis, tout est en vecteur, là, tu sais, comme les jeux d'arcade d'origine, Asteroid Battle Zone, comme un Vectrex, là, tu sais. Mais avec de la couleur, là, en arrière des vecteurs, là, tu sais, c'est absolument magnifique. Puis moi, ce que je trouve drôle là-dedans, alors, je vais me prendre une petite gorgée de café. Vous savez que je suis de façon très sérieuse le groupe Facebook Intellivision Invasion, qui est un groupe d'amateurs d'Intellivision qui sont juste genre du monde ben trop pâmé sur l'Intellivision, puis sur Tommy, puis sur tout ce qui se passe avec l'Amico. Fait que c'est du monde qui voit plus clair tellement ils sont comme « Ah, c'est malade Intellivision! » Et puis, Intellivision avait montré du footage de Missile Command qu'il allait avoir, leur version de Missile Command. Puis quelques semaines plus tard, Atari ont montré Missile Command Recharge, tu sais. Puis là, les fanboys d'Intellivision étaient comme « Oh, wesh, la version Atari est dégueulasse, checker nous autres, c'est malade, là, tu sais. » Ah oui, puis il y avait eu un genre de let's play du monde qui jouait, puis Tommy qui était là, qui envoyait du monde jouer, tu sais, à l'Amico, à Missile Command. Hey, c'est vraiment let, la version Intellivision, là, c'est pourri, là, tu sais, le graphiquement, ça n'a pas d'allure, les jeux de cette console-là. Puis là, j'en revenais pas que les fanboys disent que la version Atari est dégueulasse, puis qu'eux autres, c'est la vraie affaire. Alors que la version Atari est absolument magnifique, là. C'est du très beau art, là, tu sais. Puis en fait, quand tu télécharges l'application, la pastille, le artwork, tu sais, du jeu, comme pour annoncer le jeu, la pochette, là, tu sais, est super belle. La présentation est clean, la musique, tout est bien correct, là, de cette affaire-là. Fait que j'en reviens pas, même, que les vieux battes d'Intellivision soient comme... Allez, sérieux, là. Non, puis je me retiens là de pas aller leur donner de la marde des fois là, parce que tu sais, je veux rester dans les bonnes faveurs de Tommy, parce que Tommy est quand même actif dans ce groupe là, tu sais, donc on va pas aller là poker l'ours là, tu sais, mais là ça a pas d'allure. Bref, c'est joli cette affaire là de Missile Command là. Bon, c'est Missile Command, tu sais, c'est pas. J'ai pas ressenti le besoin de jouer à ça pendant des heures, mais c'est simple, c'est gratuit, vous pouvez l'essayer. Et puis je pense qu'il l'a sur Switch aussi, et puis sur téléphone en tout cas. Moi j'ai essayé la version iOS, ce qui est plaisant, il y a une option où est-ce que tu peux mettre une arcade, cabinet d'arcade dans maison chez vous. Donc tu pèses sur cette option-là, il te demande de scanner le plancher, donc tu mets ton téléphone sur le plancher. Là, ils disent qu'il faut que tu relèves vis-à-vis un mur, puis là, pop, dans l'écran, il apparaît un vrai gros cabinet d'arcade Missile Command. Puis là, comme tu te places avec ton téléphone, tu l'as dans ton téléphone, quand tu presses le bouton, ça met le cabinet à la place que tu veux. Donc là, c'est comme une réalité virtuelle. Il y a comme un cabinet dans le salon chez vous. Fait que là, tu es face au mur avec ton téléphone dans la main, puis tu joues à l'arcade. Tu sais, il y a des. Virtuellement, il y a des boutons là, ici, là, comme sur le control panel, mais ils ne servent à rien. Tu joues vraiment avec ton téléphone. Donc là, il faut que tu t'approches du mur pour être dans l'écran de l'arcade, qui est en fait à travers l'écran de ton téléphone, puis tu joues comme ça. Tu sais. C'est vraiment limite. C'est très difficile de jouer comme ça, là, on s'entend. Ça ne sert pas à grand chose, mais. J'ai trouvé ça vraiment nice. Et puis l'interface, il est comme CRT, là. Les couleurs sont rabattues, puis tout. T'as vraiment le cabinet, les boutons, la grosse affaire. Donc, bravo, là, sérieux. C'est inutile, mais man, c'est nice. Fait que là, si je repars l'application, puis je remonte en haut, ben, je sais pas si l'arcade reste toujours à la même place, mais en tout cas, il y a une arcade dans mon salon quand je veux jouer à Missile Command, quand ça me tente de jouer face à un mur, puis que les autres me regardent et me disent « Qu'est-ce qu'il fait là? Papa, cassette. » Donc, très, très, très comique. Mais c'est gratuit, donc essayez-le. Et puis, moi, j'ai trouvé ça très bien fait. Ah. Et présentement, j'ai beaucoup de plaisir. Je vais entamer Contra Rogue Corp comme prochain jeu. Mais avant de se faire, je voulais jouer à ceci. Mon fameux combo pack de Honiken et Odalus. Donc, comme j'ai mentionné, ça, c'est développé par les gens les gens qui ont fait Blazing Chrome. Et puis, j'ai commencé par Honiken parce que c'est un jeu style rétro-futuriste, apocalyptique, industriel, à la Shadow of the Ninja, Shatterhand, Power Blade, tout ça. Et puis, j'avais envie d'être dans cet univers-là. Donc, il était un dude avec une épée, c'est assez simple de même. Les Honeycan, c'est les méchants, dans le fond. Et puis, il faut que tu pètes tout ce monde-là. C'est des niveaux. Ça ressemble vraiment au NES. C'est comme un jeu de NES. Très simple dans l'exécution. Très simple dans le gameplay aussi. Et puis, ouais, non, j'ai eu du fun. Ça manquait. Les contrôles, j'ai eu un peu de misère, pour être franc. Puis, je joue à Odalus aussi, puis j'ai de la misère. J'arrive pas à jouer avec un analogue à ça parce qu'il faut se pencher beaucoup. Ben, pour lancer une arme secondaire, il faut que tu pèses par en haut puis le bouton d'attaque. Et puis, comme au NES, tu sais, ça c'est nice. Mais, man, c'est dur là. Le bonhomme, il écoute pas là. Je sais pas si c'est mon Joy-Con qui a de la misère, mais quand je joue avec un D-pad, tout devient correct là, tu sais. Fait que, en tout cas, j'ai pas de problème d'analogue. Avec ce Joy-Con-là, quand je joue à quoi que ce soit, mais j'en ai avec ces jeux-là. Alors, je sais pas si c'est un trouble de programmation, mais définitivement, c'est des jeux qui jouent pas mal mieux avec un D-pad puis deux boutons. Mais, tu sais, comme brancher Bluetooth, une manette NES 8-bit d'eau, là, ça doit être parfait, là, vraiment. Et puis, donc, c'est ça, très belle expérience, des beaux boss, de la musique, tu sais. Mais il y a pas beaucoup de profondeur dans le jeu, puis ça paraît que c'est leur premier jeu. D'après moi, c'est leur premier jeu là. Mais la vibe est là, tu reconnais, tu vois que ça vient de la même gang que Blazing Chrome là. Visuellement, c'est moins deep, on s'entend. Il y a une option d'avoir des scanlines, puis un écran un peu brouillé là pour faire CRT puis tout. Donc je dirais que c'était comme une collation un peu ce jeu là. Il y a des bouts qui sont un peu durs, limite brisés, t'es comme fuck, on dirait que j'ai pas le choix de me faire toucher, tu sais, mais le jeu il est correct, là, il est balancé, ça marche, j'ai fait ça assez rapidement, là, je dirais, mais j'étais dedans, ouais. D'un moment donné, c'est ça, c'est comme le NES, tu sais, tu joues, puis là t'es comme, tu meurs, puis là t'es comme de la merde, là tu mets ça de côté, le lendemain matin tu rejoues, t'es comme, ben finalement c'est pas si dur. Donc, à un moment donné, faut que tu lâches ces jeux-là quand ils te donnent trop de fil à retordre. Puis tu recommences plus tard à tête reposée et ça fonctionne. Donc, c'est ça. Honeycan, c'était nice. Et puis, là, je l'ai terminé et maintenant, je joue à Odalus, qui est, j'imagine, leur deuxième jeu. Et puis, c'est un peu dans le même style. Moins rapide, moins grosse épée et tout, mais c'est encore un dude avec une épée qui frappe. Et puis là, par exemple, on est vraiment, vraiment dans un univers Castlevania-esque, donc médiéval. Et puis, t'as des sauts que tu peux choisir. Il y en a même un qui s'appelle Vampire Hunter. Donc, bien sûr, moi, c'est ce saut-là que je porte. Et puis, c'est aussi un action platformer d'épée. Par contre, il est moins... c'est ça, Honeycan, il y a vraiment une vibe, tu sais... Shadow of the Ninja, Power Blade, tu sais, t'avances, puis tu sais, il y a comme une schlag. Va du point A au point B, il n'y a pas d'autre chemin, puis tu prends le pattern des ennemis, tu les apprends, puis tu les tues. Tandis que Odalus, chaque niveau est assez vaste. Chaque niveau a plein d'affaires cachées dedans. Il y a une route principale, comme à Castlevania, puis il y a des passages secrets qui mènent à une route underground aussi dans le jeu. Puis tu n'as pas le choix d'y aller dans ces routes-là pour aller au boss de fin. Je l'ai pas fini le jeu en passant, je peux pas aller au dernier niveau parce que justement, il y a plein d'affaires qui me manquent. Fait que j'ai backtracké, j'ai cherché d'un niveau, tout ça, et puis là j'ai trouvé des affaires qui me manquaient. J'ai trouvé, il y a des reliques, une relique qui te permet de pousser des gros blocs. Là j'ai finalement trouvé la relique qui fait que je peux respirer en dessous de l'eau. Fait que là je refais tous les niveaux pour aller tout me pitcher dans l'eau, dans tous les trous d'eau que je vois pour aller débarrer les affaires. Donc ça j'ai vu ça, là j'ai pogné un dash hier soir, fait que là ça ouvre encore d'autres places. Donc c'est quand même Metroidvania. Mais léger, tu sais. C'est pas Metroidvania, genre une grosse map, là, comme dans Blasphemous ou rien, là. C'est genre. C'est. Quoi, 6 niveaux, puis chacun de ces niveaux-là a un sous-niveau, et that's it. Puis. Mais c'est bien parce que, dans le fond, dans ton menu, ils te disent dans chaque niveau, il y a tel nombre de secrets à trouver, il y a une genre de pierre tombale là, à activer ou à lire un message de dans chaque niveau. Donc, puis le boss, est-ce qu'il est vivant ou est-ce que tu l'as tué, tu sais. Fait que tu sais où est-ce que t'es rendu, fait que tu refais pas les niveaux à l'infini pour rien, tu sais. Donc, puis tu sais où aller s'il te manque des affaires. Donc ça, j'ai trouvé ça vraiment bien. Il y a des sub-weapons, comme dans Castlevania, lancer une lance, comme une dagger, mais là-dedans c'est une hache, puis la holy water c'est une torche. Et puis j'aime beaucoup les... Il y a un voice-over aussi pour les ennemis quand t'es dessus, c'est... marbre, ça griche, là, tu sais. C'est vraiment nice. Puis il y a une shop, il y a un vendeur de stock dans chaque niveau aussi que tu peux y acheter de la life, des sub-weapons et des vies. Et puis, je pense qu'il dit welcome, tu sais. Puis quand tu y parles, puis c'est ça griche, là. C'est parfait, parfait, parfait, là, tu sais. Visuellement, c'est ça. C'est un peu primitif, si je peux dire. Plus primitif qu'un Nikon, à mon avis. Mais c'est voulu ainsi. Ça fait un peu Sega Master System aussi, mais ça se veut vraiment un hommage à Castlevania, cette affaire-là, dans le fond. Et puis, je dois dire que j'ai pas mal de fun à jouer à ça présentement. Vraiment. À refaire les niveaux, tu sais, c'est pas un pain in the ass, là. Mais j'aurais aimé que ça level up un peu, là. Je sais qu'il y a une... Tu peux level... Mon épée peut pogner le niveau 2. Et puis, man, il me manque une affaire. D'après moi, il y a un double jump quelque part, puis j'ai pas encore le truc, mais man, là, j'aimerais ça que mon épée soit un peu plus forte, là, tu sais. Je trouve ça un peu long, des fois, avant de gagner plus de skills, là, disons. Mais j'imagine que s'il me donnait ça trop rapidement, j'aurais déjà fini le jeu, puis je serais triste. Alors, voilà, ça semble bien balancé. Musique intéressante, des gros boss. Non, c'est vraiment cool, sérieux. Moi, j'ai payé ce pack-là 90$, genre à peu près sur eBay avec livraison et tout. Là. 90$ tout inclus à peu près. Là. Donc, la version physique de ça, c'est cher. Mais il y a eu une promo sur le eShop il n'y a pas si longtemps, je pense, puis c'était rien, là, c'était une bouchée de pain, là, même pas 10$ pour les deux, je pense, ou un truc de même. Donc, moi, je vous dirais que ça vaut vraiment la peine, du moins pour Odalus, si vous aimez Castlevania. De vous procurer ça, absolument, absolument. C'est pas cher, là. Ça, même full price, ça doit pas être si cher que ça, ces jeux-là. Oniken, moi, je dis que ça vaut la peine aussi. Allez voir du gameplay, là. Vous allez passer un beau moment. S'ils vendent les deux en pack, puis qu'il y a un rabais par rapport à ça, virtuellement, ça vaut absolument la peine de vous acheter ça. Donc, ouais, Odalus, belle découverte pour moi, vraiment. J'ai bien du fun. Puis Oniken, ben, c'est bien bon aussi. Là. C'est bien, bien bon. Donc, on va conclure avec les acquisitions. Chez Retro Montréal, on a acheté un lot. Je suis allé à Saint-Jean-sur-Richelieu lundi soir pour aller chercher un lot. Fallait que je passe chez mes parents à Saint-Hubert aussi, donc ça donnait bien. Et puis, ouais, la personne avait du Super NES 64 et du Game Boy. Donc, un lot fort intéressant. Excusez. Et puis, il y a deux jeux de Game Boy que je n'avais pas dans ma collection et que j'ai maintenant et que je me rappelle même plus s'ils sont dans le lot que je suis supposé recevoir de Floride, mais en tout cas, entre-temps, je les ai. Le premier, il s'agit de Alfred Chicken. Là, je garde la même caméra parce que j'ai juste genre 4 jeux à vous montrer, fait que je ne vais pas tout refaire l'autre setup, là, puis fixer ma caméra, etc. Caméra, etc. Donc, Alfred Chicken, je lis présentement le livre de Pat Country sur le NES. Je suis rendu à la moitié. D'après moi, ça va me prendre un an total pour lire tout ça. Et puis, il paraît que la version NES est quand même bonne de Alfred Chicken. Donc, la version Game Boy est peut-être bonne aussi. Je suis curieux. Ça doit être un bon petit platformer, ça. Et puis, ça vaut ça 15$, mes amis. Alors, très, très clean. Je suis content. Oups, je suis content. Les jeux du gars sont vraiment propres. Deuxième jeu qui vaut 40$ quand même, Ninja Boy 2. Là, il va falloir que je m'attarde un peu à cette série-là, là, parce que au NES, il y a Kung Fu Heroes qui est le premier, puis Ninja Brothers qui est le deuxième. Puis là, y a-tu un Ninja Brothers 2 au NES? Je ne me rappelle plus. Faudrait que je regarde. Oups, excusez, j'ai de la misère avec ma caméra. Et puis, au Game Boy, il y a Ninja Boy, Ninja Boy 2. Donc, c'est toute une série, ça, là. Et puis, ces petits jeux-là, ils valent quelque chose, quand même. Donc, c'est ça. Celui-là, il est 40$, comme je vous disais. Alors, je vais découvrir ça. Mais en lisant, justement, le livre de Pat... J'essaie de tenir le jeu. Ça va super mal. Le jeu de Pat de NES Punk, Pat Country. J'ai lu Ninja Kung Fu Heroes. Et puis, il paraît que c'est bien bon. Fait que je vais commencer par ça. J'ai jamais même testé ce jeu-là de ma vie. Et puis, on va voir qu'est-ce que ça donne. Donc, quand même, un petit jeu qui vaut 40$. J'étais content. Le plus gros jeu que je voulais là-dans ce lot-là est un jeu de Super Nintendo qui était dans mes Wanted. Et puis, ma liste s'amincit d'un jeu de plus. Il s'agit de Ghoul Patrol. Ghoul Patrol ici, vous connaissez peut-être pas ça. C'est pas si commun. Ça, mes chers amis, c'est Zombies Ate My Neighbors 2. Ghoul Patrol. Donc, cela existe. Et puis, c'est pas écrit. Je sais pas si c'est développé par Konami. Hein. C'est pas publié par JVC. Je vois pas pourquoi Konami publierait pas leur propre jeu. Donc, peut-être c'est fait par quelqu'un d'autre. Ça mériterait de s'y attarder. Et puis, ça, c'est une cassette qui vaut environ 150$. Donc, bien content de tomber là-dessus complètement par hasard, dans un lot. C'est ça la beauté d'avoir un magasin de jeux vidéo. Je vous dis, des fois, il y a des affaires qui apparaissent comme « Yeah! » Et puis, je vais m'essayer à ça. Ça va être un excellent jeu en co-op. Puis, ce qu'il y a de weird, c'est que le label, il est comme parfait. Puis, j'avais vu, il est comme trop luisant, tu sais. C'est louche. Mais le gars, il disait que c'est tous ses jeux d'enfance. Puis, c'était vraiment, le gars, il était super chill. Puis, je le crois quand il me dit ça. Et puis, j'avais déjà vu ce jeu-là aussi. Dans un certain marché aux puces, puis une place où est-ce qu'il y a quand même des repros d'habitude, et puis je voyais ça, j'étais comme « Ah, c'est un repro, ça, c'est sûr, le label est trop luisant. » Ben, crime, celui-là aussi, le label est luisant. Donc, je pense que il y a des... Go Patrol est un jeu de label luisant, je sais pas, c'est très étrange. Je l'ai ouvert, c'est legit, tout est legit, donc... Peut-être à un moment donné, il va me passer un autre Go Patrol entre les mains. Je vais pouvoir valider encore que le label est comme plastique luisant parfait. Mais ça fait deux en deux, là, donc ça me réconforte. D'après moi, tout ça est legit. Du moins, je l'espère. Et puis, le dernier jeu est un jeu de Atari 2600. Je parlais de Konami, justement. Segway, j'y avais même pas pensé. Donc, il existe trois jeux que Konami a fait sur l'Atari 2600. Je vais vous présenter les cartes. Donc, vous voyez les cartes, ils ont cette shape-là. C'est très drôle, c'est un modèle allongé. Je vous ai déjà montré ça. Donc, c'est Marine Wars Strategy X et puis l'excellent classique Puyan. Donc, les jeux, ils ont de l'air de ça. Ça, c'est les cassettes. Très, très cool. Il y en a juste trois. Et puis, l'année passée, mon ami Jonathan Brochu, a.k.a. Johnny Gretis de RetroGamer.ca, m'a trouvé cette boîte, ben, le CIB de Puyan. Et puis là, regardez ça comme c'est beau cette affaire-là. C'est tout noir et or avec le gros artwork à l'intérieur. Il est supposé avoir une affaire de plastique ici pour mettre le cart, mais là, il l'avait pas. Le booklet. Regardez ça en arrière, le texte comme en 45. C'est pas de la merde ça, mes amis. J'ai tellement trouvé cette chose-là belle. Le pire, c'est que j'avais besoin d'un upgrade pour le card de Puyan. Puis ça, c'était juste genre 20$, une affaire pas possible. Fait que il m'a dit, tu le veux-tu? J'ai dit, bah non, j'ai pas besoin du CIB. Puis là, je me suis dit, crime, 20$ pour un CIB, c'est le prix du card. Au pire, pogne-moi-les, je vais faire mon upgrade, je vendrai la boîte. Parce que j'essaye de... vendre des boîtes de ma collection Atari parce que j'en ai trop, là, je veux juste resserrer ça un peu. Puis finalement, quand cette affaire-là est arrivée entre mes mains, j'ai tellement trouvé ça beau que je me suis dit, je veux les trois jeux de Konami CIB de l'Atari 2600. Donc, c'est ça, c'est une maladie, c'est un problème que je me suis créé. Alors, ça, c'était Puyan, donc je l'avais déjà. Puis, j'ai trouvé sur eBay Strategy X, que voici. Alors, quand tu l'ouvres avec la cassette dans un petit plastique, c'est supposé avoir de l'air de ça. Regarde-moi ça, c'est beau. Ça ouvre Gatefold, hein, pour ceux qui écoutent juste en audio, là, c'est comme un livre. Fait que là, check ça quand tu mets les deux comme ça, là, à côté de l'autre. Là. Imagine, là, quand je vais avoir le troisième dans la bibliothèque, comme ça va être nice. Gros logo vintage de Konami en noir et gold. Et puis, Atari et Konami, man. Moi, ça le fait. J'aime assez Konami dans ma vie pour vouloir avoir ces trois affaires-là, c'est eBay. Donc, ça va être... soudainement, j'aime assez ces objets-là. Là. Je suis comme, wow, oh, je trouve ça beau, là. Donc, je suis bien content d'avoir ça. J'ai payé quand même cette affaire-là. Hey, je vais vous le dire exactement dans mon application eBay. Je vais aller voir mes achats. Mon compte, mes achats, mes taxes, Metallica. J'ai payé quand même cette affaire-là 75$. D'après moi, ça le vaut. Et puis, on va aller voir Price Charting maintenant. Rien que pour voir. Parce que mais ce qui est, les affaires avec Atari... attendez. Strategy X. ça vaut complet 75$ d'après Price Charting. Donc, pas mal dedans. Mais ce qui arrive avec Atari, c'est que c'est pas juste, tu sais, comme une question de valeur, c'est une question de disponibilité, là, tu sais. Là, il me manque Marine Wars ici, c'est eBay, que je veux, bien sûr. Et puis, il y en a juste pas sur eBay. Il y en a des PAL, des versions euro, mais moi, je veux bien sûr la version américaine. Donc, c'est pas une question d'argent, c'est une question de disponibilité. Puis, des fois, quand il y en a, puis tu le veux vraiment, quand tu collectionnes Atari, ben, t'as pas le choix de l'acheter, là, même si c'est un peu plus cher. Là, t'sais. Il y a des affaires que j'ai skippées dans le passé, je suis super déçu. Il y a des affaires que j'ai achetées, que j'ai peut-être payé un peu trop. C'est pas évident, sérieux, que collectionner le high-end Atari, mais c'est le fun, en tout cas. Et puis, j'ai bien hâte de refaire mon setup pour pouvoir mettre en display toutes mes belles cassettes Atari, mes boîtes. J'ai hâte à tout ça. Même que j'ai eu des discussions avec ma délicieuse épouse pour voir que peut-être finalement que je m'installerais dans la pièce ici de façon permanente. Donc, on va voir. Là, on a acheté un sofa la semaine dernière. On est sorti, on est allé dedans les magasins avec nos masques et puis on a acheté un sofa. Ça fait 10 ans qu'on a le même sofa, nous, qui est quand même correct, en cuir, qui n'est pas gros, par exemple. Puis là, il va descendre en bas, puis je pourrais peut-être le mettre ici. Mais là, c'est cool parce que maintenant, on a une très grande maison. Il faut qu'on achète un gros sofa. Là, c'est comme mon rêve. Là. On va être vaché là-dessus. Ça va être parfait. On va engraisser. On va venir gros, gros, gros. J'ai assez hâte. Et puis, le sofa qui va aller en bas, d'après moi, je pourrais le mettre de ce côté-là. Et puis, je pourrais mettre mes TV ici. Puis, faire de quoi de très simple et custom. Puis, je pourrais faire une bibliothèque géante du mur au complet ici. Ça serait tous mes jeux qui rentreraient là. Mon ordinateur serait dans un coin. Et puis, si je fais ça, je considérerais peut-être vendre mon meuble Nintendo de Zellers pour libérer un peu d'espace dans ma vie. Donc ça pourrait être intéressant. Donc à suivre, là le but c'était que je reste ici le temps de la pandémie. Puis après ça, quand j'allais pouvoir faire venir un spécialiste, un ébéniste, quelqu'un pour faire un salon de l'autre bord puis mettre mes affaires. Mais finalement, j'aime ça, avoir une pièce fermée pour tout ce qui est mon stock gaming. Ce qui est étonnant, par exemple, c'est que ce que je voulais aussi, c'était de pouvoir inviter les gens à venir jouer chez nous. Il y a de la place, on est bien, tout le monde. Mais finalement, je sais pas si ça va arriver tant que ça. Puis tu sais, on s'entend même dans la vie, quand il n'y a pas de virus, c'est ça qu'on veut, mais ça arrive quoi, 3-4 fois par année, tu sais. Donc, c'est ça. Mais je serais ici toute l'année, tout le temps, avec mon bureau et mes consoles. Donc, peut-être que ça serait logique que je sois dans cette pièce-ci fermée. On va voir à ça. Donc, va falloir que je vous laisse, mes chers amis, pour que mon plus jeune se prépare à son meeting. Donc, merci beaucoup d'être à l'écoute de ces épisodes de chez Papa Cassette. Et puis... je continue de travailler, je stream un peu moins, je vais peut-être le faire plus. J'essaie de ne pas me mettre de pression avec ça, sérieusement, tu sais. Puis là, il faudrait que je step up ma game, il faudrait que je fasse mes petits emojis, tout ça, parce que je suis affiliate, puis tout. Puis, c'est lourd, là. Je vais m'occuper de mon contrat, là, qui me branche, et puis je vais m'occuper de mes enfants. Et puis, voilà. Donc, suivez ma page Facebook, absolument. Donc, tout passe par là pour mes trucs perso. Et puis, encore une fois, merci à tout le monde qui m'écoute et qui m'écrive et puis qui supporte ces projets-là. Merci à mes Patreons. Vous êtes vraiment tous merveilleux. Et puis, on se revoit très bientôt pour l'épisode 44. Merci. Bye.